Chapitre 8e, le notaire, la carrière. La petite comédie, due à la collaboration de Flavia et du docteur Tabarrok, eut un plein succès. Scabieuse débita Madame de Valombreuse à Hébé à Marcel le rôle qu'elle avait appris, son quasi-naufrage et sa détresse en arrivant à Paris, récit en tout point conforme aux renseignements recueillis par le docteur à la préfecture de police. Bref, elle sut si bien enjoler la duchesse et ses filles qu'une demi-heure après, elle prenait place dans le landau, à côté d'elle, au grand ébahissement de Moulinet et de sa colossale épouse. Minos suivait gravement à pattes la voiture armoriée. Scabieuse, en peu de jours, devint la coqueluche de tout l'hôtel. Les deux jeunes sœurs en raffolaient. Octave la choyait et leur mère s'adressait de préférence à elle en maintes occasions. Rien ne semblait devoir troubler la douce quiétude de cette famille. Lorsqu'un soir, au moment où la duchesse se disposait à quitter le salon avec Ève et Marcel, un domestique annonça la visite de Maître Lacarrière. Le digne notaire n'avait pas l'habitude de se rendre chez ses clients à une heure aussi avancée. Il fallait donc que le motif qui l'amena fût bien grave. La duchesse, malgré tout l'empire qu'elle avait sur elle-même, ne put dissimuler la surprise que lui causait cette visite. « Que peut-il donc te vouloir, maman ?» lui demandèrent ses deux filles, auxquelles son émotion n'avait point échappé. « Je ne sais pas, mes enfants, » répondit Madame de Valombreuse. Puis s'adressant au domestique, « Conduisez, monsieur Lacarrière, de ma chambre, » dit-il, « je le rejoins. » Le domestique sortit. « Ève et moi, nous t'attendrons ici, » dit Marcel en accompagnant sa mère jusqu'à la porte du salon. Il n'est pas inutile, avant de faire connaître le motif qui amenait Maître Lacarrière rue de Varennes à 10 heures du soir, de donner un abrégé sommaire de l'existence en partie double du jeune duc Octave de Valombreuse. Lorsque la duchesse était venue s'installer définitivement à Paris, Octave ne pouvait, sans causer un certain émoi dans le faubourg Saint-Germain, se dispenser d'aller habiter avec elle. Toutefois, il ne s'installa point dans l'hôtel proprement dit. Il occupait un petit pavillon situé au fond du jardin. Ce n'était pas sans raison qu'il avait fait choix de cette demeure isolée. Lancé dans la vie à outrance depuis sa liaison avec Célestine, il voulait, tout en dérobant ses désordres au regard de sa mère, avoir la liberté la plus complète. Or, le jardin avait une porte de sortie sur une ruelle, et 3 ou 4 fois la semaine, quand les dernières lumières de l'hôtel étaient éteintes, Octave prenait sa volée jusqu'au lendemain. Madame de Valombreuse s'était, à diverses reprises, aperçue de ses escapades nocturnes, mais elle avait fermé les yeux. Le notaire était assis, le front dans ses mains, lorsque la duchesse le rejoignit. Au bruit qu'elle fit en entrant, il leva brusquement la tête. « Qu'est-il arrivé ? Est-ce un malheur que vous venez m'annoncer ?» demanda vivement Madame de Valombreuse, effrayée de l'abattement qui se lisait sur le visage de Maître Lacarrière. « Hélas, madame, avant 1 an, votre fils sera complètement ruiné si vous n'y mettez bon ordre. Ruiné, comment cela ? Monsieur le duc a fait en quelques mois 200 000 francs de dette. »« 200 000 francs ? S'écria la duchesse. « Mais où a passé cet argent ? Dans les mains d'une de ces drôlesses dont le métier est de dépouiller les fils de famille. Mais Octave est donc fou, c'est mon avis. Et comme sa folie n'est pas de celle qu'on enferme à Charenton, je vous engage à user d'un remède moins énergique, quoique tout aussi salutaire. Et ce remède, c'est de faire interdire votre fils. Mais c'est tuer son avenir. Vous préférez alors qu'il vous ruine, qu'il ruine vos filles. Mais il n'a aucun droit sur la fortune de ses sœurs, non plus que sur la mienne. Fort raisonnement, madame. Lorsqu'il aura gaspillé son patrimoine, il fera des dettes qu'il ne pourra payer et que vous payerez vous pour ne pas laisser compromettre l'honneur de votre nom. » Madame de Valombreuse ne répondit pas, elle réfléchissait. « Eh bien, fit Lacarrière, qu'avez-vous résolu ? Payons d'abord ses dettes, puis nous aviserons. » « Payez, oui, il le faut, mais si riche que vous soyez, vous n'avez pas 200 000 francs dans votre coffre-fort à jeter en pâture à ses créanciers. Je vendrai une de mes terres, celle de Châtrou, dans l'Indre, ou ma ferme des Buissons, dans la Beauce. Mais c'est vous dépouiller. Ce ne sera qu'une avance sur la part qui lui reviendra dans ma succession. Puisque vous êtes décidé à vendre une de vos propriétés, que ne vendez-vous celle de Faubourlois, que vous n'habitez plus depuis 3 ans ? La duchesse tressaillit. Soit, répondit-elle après un silence, vendons le Faubourlois. En ce cas, vous n'aurez qu'à me remettre vos titres de propriété. Je ne les ai pas, ils sont au château. Donnez-moi une autorisation et je les ferai retirer. Toute réflexion faite, j'irai les chercher moi-même. J'aurai aussi à prendre des papiers de famille enfouis je ne sais plus où et que seul je puis retrouver. Comme il vous conviendra, madame la duchesse. Demain, je partirai pour Nevers, et dans 4 jours, je serai de retour avec les titres dont vous avez besoin. » Le notaire quitta l'hôtel de la rue de Varennes, sinon rassuré sur l'avenir d'Octave, mais du moins avec la douce satisfaction d'un homme qui a rempli son devoir. « Eh bien, chère mère, » demandèrent Marcel et Ève à la duchesse lorsqu'elle les rejoignit au salon. « Demain, il faudra que je vous quitte pour 4 jours, mes chers enfants, » répondit madame de Valombreuse. « Nous quitter, et pourquoi ?» dit Ève. « Où vas-tu ? » reprit Marcel. « Au Faublois, chercher des papiers. » « En ce cas, nous t'accompagnerons, » continua Marcel. « Non, j'emmènerai seulement Scabieuse. » « Mais il se fait tard, » ajouta leur mère en les embrassant. « Vous devez avoir besoin de sommeil. À demain. » Le lendemain, dans la matinée, Flavia recevait la dépêche suivante. « Je pars pour le Faublois avec la duchesse par le train de 8 heures du soir. » Signé Scabieuse.